ce quoi enfoui si brutalement. Un jour au mont Golgotha me rappelle le douloureux moment que le Christ a subi. Mais ce qui me fait vraiment mal, c'est de savoir que j'ai participé à cause de mes péchés à la mort de Christ. Oh, combien aurais-je souhaité n'être pas de cela. Mais la réalité est là. Je ne puis la défaire. Oh, la croix révèle l'amour de Père pour l'enfant que je suis. Comment pourrais-je oublier un tel sacrifice pour moi? Ne dois-je pas être reconnaissant? Laisserai-je ce monde avec tous ses plaisirs et ses difficultés m'enlever le doux plaisir de vivre avec ce Dieu qui s'est donné corps et âme pour moi? Ô Seigneur,